Avec toi, je passerai mes journées entières. Avec toi, je rêverai de toucher le ciel. With you, je passerai ma vie. Oh. With you, j'aime la vie. Ne me lâche pas, je te fais confiance. Si tu me lâches, je tombe de haut. Et tu auras plus mal que moi, oui. Tu auras plus mal que moi, parce que mon cœur, c'est toi. With you, je passerai ma vie. Oh. With you, j'aime la vie. With you, je passerai ma vie. Oh. With you, j'aime la vie. With you, I will base my life.